الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. Chers auditeurs, nous continuons ensemble la lecture et l'explication de hadith sur la croyance et le suivi réunis par l'éminent Cheikh Rabi' ibn Hadi Umayr al-Madkhali حفظه الله تعالى dans son livre intitulé Mudhakkiratul Hadith al-Nabawi fi al-Aqidati wal-Ittiba'. Nous allons voir aujourd'hui le 17e hadith qui concerne la véracité et le mensonge ainsi que leurs conséquences. La véracité, as-sidq, les gens de science l'ont expliqué comme étant la concordance entre l'information et la réalité. C'est-à-dire que la parole qui est prononcée concorde avec la réalité, elle est conforme à cette dernière. Et le mensonge, al-kadib, a été défini comme étant la contradiction entre l'information et la réalité. C'est-à-dire que la personne informe d'une chose qui est contraire à la réalité. Telle est la définition d'al-sidq, la véracité, et d'al-kadib, le mensonge. Donc l'auteur, rahimahullah, nous a mentionné ici un hadith d'une grande importance à ce sujet. Un hadith qui est rapporté par le noble compagnon, Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, dont nous avons déjà parlé lors de l'explication du 5e hadith. Et il rapporte que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Alaykum bis-sidq, attachez-vous à la véracité. » Faites preuve de véracité. Soyez fermes sur la véracité. فَإِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ. Car la véracité guide à la bonté. C'est-à-dire qu'elle guide à la multiplication des œuvres de bien. Car الْبِرِّ, la bonté, c'est un nom global qui englobe toutes les formes de bien. Et ce mot est aussi employé pour désigner l'œuvre sincère et constante. Donc la véracité, elle te mènera et te guidera à l'œuvre sincère et constante. Et elle te mènera à toute forme de bien, bi'idhnillahi ta'ala. Ensuite, il dit, sallallahu alayhi wa sallam, « وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ » Et la bonté guide au paradis. Le fait de multiplier le bien devrait constamment, sincèrement, pour Allah subhanahu wa ta'ala, de multiplier les bonnes actions avec véracité. Ceci va te mener au paradis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, il nous dit, sallallahu alayhi wa sallam, « وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَزْدُقْ وَيَتَحَرَّ الصِّدْقَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ صِدِّيقًا » Et l'homme ne cesse d'être véridique et de chercher à être véridique, de veiller à être toujours véridique, de volontairement rechercher la véracité, jusqu'à ce qu'il soit inscrit auprès d'Allah comme étant un véridique. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous placer parmi ses serviteurs véridiques. Après cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous met en garde contre le contraire de la véracité. Et il dit « Wa iyyakum wal kadhib » et prenez garde au mensonge. Écartez-vous du mensonge. Éloignez-vous de toute forme de mensonge. « Fa innal kadhib yahdi ilal fujur » Car le mensonge guide et mène à la perversité, c'est-à-dire à se plonger dans les péchés et les mauvaises actions, car el fujur est un mot global qui réunit tout le mal. Toute forme de mal fait partie d'el fujur, et le mensonge, il te mène à cela. Wa innal fujur yahdi ilan nar. Et la perversité, el fujur, mène au feu de l'enfer. Et nul doute que être plongé sans cesse dans la désobéissance, les péchés et les mauvaises actions mènent au feu de l'enfer, wal'iyadu billah. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَكْذِبْ وَيَتَحَرَّ الْكَذِبْ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَّابًا. Et l'homme ne cesse de mentir et de chercher à mentir, mentir volontairement, jusqu'à ce qu'il soit inscrit auprès d'Allah comme un grand menteur. Demande Allah subhanahu wa ta'ala de nous en préserver. Et ce hadith est rapporté par les imams al-Bukhari et Muslim rahimahum allahu ta'ala. Donc la véracité, c'est un noble comportement qui est à la base de tout mérite. Par la véracité, tu pourras te maintenir sur le droit chemin dans ta vie et avancer d'une manière louable. Par la véracité, tu pourras t'élever et monter en degré auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais également auprès des gens. Car les gens aiment celui qui est véridique et le respecte. Sa parole est respectée, son témoignage et ses informations sont acceptées en raison de sa véracité dans ses propos. Et c'est pour cela qu'ils l'aiment et le respectent, et n'hésitent pas à transmettre ses informations, car ils savent qu'il veille à être véridique dans ce qu'il dit, dans ce qu'il transmet. Donc le musulman, il doit faire de grands efforts pour toujours être véridique. Véridique dans ses propos, véridique dans ses intentions, véridique dans sa croyance et dans ses œuvres, et dans tout ce qu'il fait. Et la véracité, dans les intentions et dans les œuvres, consiste à faire en sorte et faire des efforts pour que ce que tu dis soit en adéquation et en concordance avec ce qui se trouve dans ton cœur. Et que tu ne prétendes pas avec ta langue des choses dont tu n'as pas l'intention ou que tu répugnes au fond de ton cœur. Car ceci est contraire à la véracité. Et ceci est une chose blâmable. Blâmable auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala et blâmable auprès des gens. Car généralement les gens vont détester, repousser, rejeter celui qui n'est pas véridique dans ses propos. Celui duquel ils vont déceler que lorsqu'il parle, lorsqu'il prétend une chose, il ne le pense pas ou ne le désire pas forcément. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a indiqué dans ce hadith une règle éducative d'une grande importance, qui est la voie empruntée pour s'auto-éduquer au bon comportement et s'habituer à celui-ci, et qui est le fait de chercher à adopter ce bon comportement. Il a dit « L'homme ne cessera d'être véridique et de chercher à être véridique ». C'est-à-dire qu'il fait attention à ses paroles, il fait attention à ses intentions, il fait attention à ses actes. À chaque fois, il se remet en question. Il veille à ne prononcer que des belles paroles, à n'agir que d'une bonne manière. Puis à force de multiplier cela, cette répétition de remise en question va avoir un effet sur sa personne. Et il va réussir, bi'idhnillahi ta'ala, à s'éduquer sur ce bon comportement, à s'y attacher, jusqu'à ce que ce comportement s'ancre en lui, au point de devenir naturel. Ceci est valable pour la véracité, mais aussi pour tout noble comportement. Donc si tu souhaites être véridique, et que la véracité soit ton caractère et ton comportement, cherche à être véridique dans tes paroles et dans tes actes. Remets-toi sans cesse en question, jusqu'à atteindre ce rang éminent auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala et être inscrit parmi les véridiques. Et de la même manière que la personne peut corriger son comportement en s'habituant aux bonnes manières et au noble caractère, elle peut aussi corrompre son comportement et sa moralité en s'habituant aux péchés et aux mauvaises actions. Comme cela est mentionné dans ce hadith en ce qui concerne le mensonge. De la même manière que la véracité est la base de tout mérite, le mensonge est la base de toute bassesse. Le menteur, il est méprisé au sein de la société. Les gens n'ont aucune estime pour lui. Lorsqu'il parle, personne ne le croit. Les gens ne se fient pas à lui. Ils ne lui confient aucune tâche. Et s'il témoigne ou rapporte une information, son témoignage et son information sont rejetés. Et c'est pour cela que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, nous a mis en garde dans ce hadith contre le mensonge. Et de nombreux versets dans le Coran viennent mettre en garde contre ce grave péché. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans son noble livre « وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبُ » Et ne dites pas conformément aux mensonges proférés par vos langues « هَذَا حَلَال وَهَذَا حَرَام » Ceci est halal, ceci est licite, et ceci est haram, ceci est illicite. « لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبُ » Pour forger le mensonge contre Allah. إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ Certes, ceux qui forgent le mensonge contre Allah ne réussiront pas. مَتَاعٌ قَلِيلٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ Ce sera pour eux une piètre jouissance, et ils auront un châtiment douloureux. Et il dit aussi, subhanahu wa ta'ala, إِنَّمَا يَفْتَرِ الْكَذِبَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ En réalité, seuls ceux qui ne croient pas au verset d'Allah forgent le mensonge. وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَذِبُونَ Et ceux-là sont les menteurs. Si tu médites sur les plus graves des péchés, tu verras qu'ils sont basés sur le mensonge, le shirk et le fait de donner des égaux à Allah subhanahu wa ta'ala, qui est le plus grave des péchés. il n'est basé que sur le mensonge, qui est le fait de prétendre qu'Allah subhanahu wa ta'ala a des égaux et des associés. Et ceci est contraire à la vérité. De même que l'hypocrisie, qui est pire que la mécréance évidente, et qui consiste à montrer l'islam en apparence et à cacher au fond de son cœur la mécréance. Cette hypocrisie, elle est basée sur quoi? Elle est basée sur le mensonge. La personne fait croire aux gens qu'elle est musulmane, alors qu'en réalité elle est mécréante, elle déteste l'islam. Et elle cache dans son cœur la mécréance ou l'ayadu billah. Et de la même manière, nombre de péchés, comme la tromperie dans les transactions, qui fait partie des grands péchés. Le fait de cacher les défauts d'un produit ou autre chose semblable, ceci est basé sur le mensonge. Le fait de ne pas respecter ses engagements ou de s'engager en ayant l'intention de ne pas respecter ses engagements, ceci est basé sur le mensonge. L'ostentation n'est-elle pas basée sur le mensonge également? La personne fait un acte par lequel elle est censée se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais en réalité elle recherche par cet acte les compliments des gens. Cela est basé sur le mensonge. Donc vous voyez que le mensonge est à l'origine des plus graves des grands péchés. Donc le musulman doit faire des efforts pour s'écarter de toute forme de mensonge et prendre garde à ne pas mentir sciemment. Car si tu mens sciemment en connaissance de cause, que tu cherches à mentir, alors tu cours à ta perte et à la perdition. Et tu risques de plonger dans al-fujur, la perversion, qui mène son auteur à la fournaise et à brûler dans le feu de l'enfer, wal'iyadu billah. Comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit au sujet del fujjar, wa inna al-fujjara lafi jahim, yaslawnaha yawm ad-din. Et les pervers sont certes dans une fournaise où ils brûleront le jour de la rétribution. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous en préserver. On tire comme bénéfice de ce hadith, premièrement, qu'il y a des œuvres qui mènent au paradis, et parmi elles la véracité, tout comme il y a des œuvres qui mènent en enfer, et parmi elles le mensonge. Donc à toi de choisir l'œuvre que tu accomplis en fonction de la destination que tu recherches dans l'au-delà. Si tu veux le paradis, alors œuvre selon les œuvres des gens du paradis. Sois véridique, car la véracité va te mener à la bonté, à l'ensemble des bonnes actions. Ces bonnes actions et cette bonté qui vont te mener au paradis. Œuvre sur ce chemin si tu veux faire partie des gens du paradis. Sois du nombre des véridiques. Mais si tu œuvres selon les œuvres des gens de l'enfer, que tu fais partie des menteurs, de ceux qui n'hésitent pas à proférer des mensonges au moindre prétexte et commettre ce grand péché qui les mène au fujour, à tout mal, et ce qui les conduit vers le feu de l'enfer, wal'iyadu billah. Quoi qu'il en soit, tu as devant toi deux voies. Une voie qui mène au paradis et une voie qui mène en enfer. Et c'est à toi de choisir laquelle tu veux emprunter. Et si tu veux le paradis, alors écarte-toi des actes des gens de l'enfer. Si vraiment tu es véridique, justement, dans ta recherche du paradis, ne persiste pas à commettre des actes des gens de l'enfer. Mais ressaisis-toi, réforme-toi, réforme ton cœur, réforme ta langue, réforme tes actions et emprunte le chemin du paradis. Le deuxième bénéfice que l'on tire de ce hadith, c'est l'obligation d'être véridique. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné dans son noble livre d'être avec les véridiques. Il a dit subhanahu wa ta'ala, « Ya ayyuha alladhina amanu, ittaqullah wa kunu ma'as sadiqin. » Ô vous qui croyez, craignez Allah et soyez avec les véridiques. La véracité fait partie de la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. La véracité fait partie des choses qui te rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala. La véracité fait partie des plus belles, des bonnes actions par lesquelles tu t'élèves en degré auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le croyant véridique, il ne ment pas. Il ne cherche pas volontairement à dire une chose contraire à la vérité. Et s'il lui arrive de mentir, ceci est en raison d'un manque de foi et d'une faiblesse dans sa foi. Alors il doit se ressaisir, se remettre en question et se repentir de ce grave péché qui l'éloigne d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans son noble livre « هَذَا يَوْمُ يَنْفَعُ الصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ » Voilà le jour où leur véracité profitera aux véridiques. « لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارِ » Ils auront des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux. La récompense de la véracité n'est autre que le paradis. Il est donc obligatoire pour le croyant de chercher à faire partie du nombre des véridiques et de s'écarter autant que possible du mensonge qui fait partie des graves péchés. Et ceci est le troisième bénéfice que l'on tire de ce hadith qui est la mise en garde contre le mensonge et le fait de chercher à mentir. Car le mensonge, il mène à la perversité, et la perversité mène au feu de l'enfer. Donc prends garde à ne pas prendre cette habitude de mentir à la moindre occasion. Le mensonge est un grand péché. Il n'est pas permis de mentir même pour plaisanter. Malheur à celui qui ment pour faire rire les gens, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ne pense pas que tu vas trouver une issue dans le mensonge. Ne pense pas que le mensonge est un péché sans gravité. Mais c'est un péché qui te mène au feu de l'enfer et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de m'en préserver ainsi que vous. Enfin, le quatrième bénéfice, parmi les bénéfices que l'on tire de ce hadith et que l'on va mentionner aujourd'hui, est cette règle éducative d'une grande importance, qui est que celui qui recherche à se parer des nobles comportements et des caractères éminents, à l'exemple de la véracité, la patience, le courage, la piété, l'honnêteté, et ainsi de suite parmi les nobles comportements. Alors il doit chercher à les mettre en pratique. Il doit faire des efforts pour atteindre cela, et habituer son âme, sa langue et son corps à ces bons comportements. Si tu veux être véridique, cherche à être véridique à chaque instant, dans chacune de tes paroles, dans chacune de tes intentions. Analyse tes propos et tes actes. Remets-toi en question, jusqu'à devenir véridique. De la même manière pour la patience. Cherche à endurer et à supporter les difficultés. Ne te laisse pas aller dans l'indignation et ne t'écroule pas sous le poids des difficultés, mais cherche à patienter, à endurer, jusqu'à ce que la patience devienne pour toi ton caractère et ton comportement. Et il en est de même pour l'ensemble des nobles comportements et des caractères éminents. Plus tu feras des efforts pour être assidu à cela, plus ceci sera naturel chez toi. Mais attention. Sache qu'il en est de même concernant les mauvais comportements et les mauvais caractères. Celui qui s'habitue aux actes vils et aux paroles vils, qui cherche à les accomplir, ceci devient pour lui son caractère. À l'exemple de celui qui ment. Celui qui ment tellement, il cherche à mentir, et ne cherche pas à se préserver du mensonge, qu'il en vient même à mentir sans s'en rendre compte. Il en vient à oublier ses mensonges, à se contredire dans ses mensonges, à penser que ces mensonges sont vérités, à y croire. Le menteur, il peut inventer une histoire, puis ensuite croire qu'elle s'est réellement passée, tellement il est plongé dans son péché. Et celui qui habitue sa langue à cela, qui ne cherche pas à se corriger, qui ne se rend pas compte de la gravité du péché, qui pense que cela est insignifiant, et qui va s'habituer à cette bassesse et ce vil comportement, ceci va devenir son caractère et il sera parmi les grands menteurs, wal'iyadu billah. Et il perdra toute estime dans le cœur des gens. Lorsqu'il va parler, plus personne ne va prendre en considération sa parole. Même s'il prétend être véridique, car il a habitué les gens à ne faire entendre que des mensonges, wallahu al-musta'an. Donc ceci nous démontre une chose, qui est que lorsque la personne s'habitue à un acte, s'habitue à une parole, s'habitue à un comportement, se laisse aller dans celui-ci s'il est mauvais, fait des efforts pour l'accomplir s'il est bon, alors ceci deviendra son caractère et cela deviendra naturel chez cette personne. Donc il y a en cela une mise en garde contre le fait de se laisser aller dans les péchés et de dédaigner leur gravité. Combien sont ceux à se laisser aller dans un péché en pensant que ce n'est pas grave? Puis il le fait une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois. Il n'arrive plus à s'en détacher. Et ce péché devient pour lui une habitude. Il le fait naturellement. Comme si c'était une chose permise, wal'iyadu billah, au point de ne plus pouvoir s'en détacher, comme s'il était lié à ce péché par des chaînes. Donc il faut prendre garde à cela, prendre garde à chacune de nos actions et chacune de nos paroles. Certaines personnes ne font pas d'efforts pour tenir leur langue et préserver leur langue des mauvaises paroles. Puis tu vois que ces mauvaises paroles deviennent, chez elles, une habitude. Et ils vont prononcer des vulgarités, probablement en public, sans même s'en rendre compte, car ils se sont habitués à cela. De la même manière que celui qui s'est habitué au péché l'a dédaigné et l'a méprisé. Il se peut même qu'il en parle ou le commette publiquement. car ils ne se rendent plus compte de la gravité de ce qu'ils font. Et telle est la situation aujourd'hui, chez beaucoup de gens, et notamment à travers les réseaux sociaux qui ont banalisé les péchés. Les gens parlent de leurs péchés publiquement. Les gens font des péchés publiquement et s'exposent en train de faire des péchés. Auparavant, les gens faisaient de grands efforts pour cacher cela, mais maintenant, tellement c'est devenu une habitude, une chose naturelle, que ceci est fait publiquement sans que les gens ne se rendent compte de la gravité de cela. Et c'est une des causes parmi les causes qui ont mené à la situation de bassesse dans laquelle nous sommes aujourd'hui, et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous réformer, de nous aider à nous corriger, à corriger nos comportements, à réformer nos cœurs, à réformer nos langues, à réformer nos actions et à nous guider à la véracité, au repentir de nos péchés et de nous aider à accomplir et à multiplier tous les actes qui nous mènent à son paradis et à nous préserver de tout acte et toute parole nous menant à son châtiment, à sa colère et au feu de l'enfer, et de toute chose nous éloignant de son agrément. On va donc s'arrêter là pour aujourd'hui. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم.